Avant de démarrer ce micro ouvert qui parle du crime d'écocide et du député qu'il a déposé sur la table, donc la loi n'est pas encore passée du crime d'écocide, hein. La Belgique est le premier pays européen à proposer la reconnaissance de ce crime à la Cour pénale internationale. Voilà, c'est dit. Et donc rencontre avec Samuel Cogolati, là tout de suite, mais avant, à écouter l'émission de radio La Terre au Carré. Alors, l'agent orange est un liquide composé à part égale de deux acides, le 2,4-D et le 2,4-5-T, qui sont. C'est le 2,4-5-T, le second acide, qui nous intéresse car, par fabrication, il génère un sous-produit non désiré qui est la dioxine. Et pas n'importe quelle dioxine, puisqu'il s'agit de la dioxine TCDD, qui est la contraction de tétrachlorodibenzoparadioxine, qui est une dioxine qui est un poison 1 million de fois plus puissant que le plus puissant poison naturel, c'est dire. Voilà. Donc les effets et conséquences sanitaires, environnementales, bien sûr, sont immenses. Ouais, donc on parle de l'agent orange dioxine, d'ailleurs, hein, pour voilà. Être tout à fait exact sur ce produit chimique qui a été donc employé abondamment à partir de 1961 pendant la guerre du Vietnam. Oui. Pour quelles raisons, alors exactement, est-ce que les Américains l'ont déversé sur le Vietnam, le Cambodge, le Laos ? En réalité, c'était... Ça permettait à la stratégie militaire états-unienne d'enlever le couvert végétal qui permettait aux indépendantistes de se cacher et de pouvoir mieux les combattre. Ensuite, c'était double. Il s'agissait aussi de détruire les ressources vivrières pour empêcher, bien sûr, les indépendantistes, qu'ils aient été Viet Cong ou nationalistes, de se nourrir. Mais ce qu'on ne doit pas oublier au passage, c'est que si les ressources vivrières étaient détruites, c'est que les populations aussi étaient affamées. Elles ont été par la suite enfermées dans ce qu'ils ont appelé les hameaux stratégiques, mais qui n'étaient rien d'autre que des camps pour les couper de l'information, pour couper les indépendantistes d'information aussi. Donc on voit que l'utilisation de cet herbicide est multiple. Enfin, ces résultats... dans la stratégie militaire, paraissent extraordinaires pour les Américains. Donc ce sont des millions de litres qui ont été déversés sur les populations, dans l'environnement. Donc entre 61, on est sous Kennedy, jusqu'en 1971. Voilà. Kennedy, par ses conseillers, décide l'utilisation de l'agent orange, qui aura lieu un 10 août des essais par hélicoptère dans le Kong Tum, au centre du Vietnam. Par la suite, l'opération Ranch Hand, qui sera retenue, puisqu'elle a été baptisée trois fois, mais c'est cette... Ouais. Et au début de l'année 61, janvier-février, et elle durera 10 ans jusqu'à 1971 officiellement. Mais l'agent orange continuera à être épandu, les stocks, jusqu'en 1973-14. Les Américains partent en 73. Et donc avec des effets qui se font toujours sentir aujourd'hui, oui. Plusieurs générations après, oui. sur les populations. On va écouter justement le témoignage de Tran Tonia, qui est à l'origine du procès en France contre les firmes chimiques de l'agent orange. Et elle évoque les séquelles physiques et les différentes pathologies dont elle est atteinte. J'ai des problèmes cardiaques. J'ai eu deux fois la tuberculose. Les maladies des poumons sont des maladies typiques pour les victimes de la dioxine. Et finalement, j'ai aussi le cancer. À 24 ans, elle rejoint le Front National pour la Libération du Sud-Vietnam, qui combat les Américains. Elle officie comme reporter pour leur agence de presse. C'est à ce moment-là qu'elle est touchée par l'agent orange. J'ai reçu en direct le poison. J'ai pataugé aussi dans des mares, dans des étangs où il y avait plein de feuilles mortes, plein de poison, quoi. J'ai perdu ma première fille qui est née avec une malformation cardiaque. Une autre fille est née et aujourd'hui aussi, elle porte aussi des malformations. Ces maladies-là ont été transmises aussi à ses enfants. Valérie Cabanès, ce matin, il y avait une conférence de presse, hein, quelques jours donc avant le procès la semaine prochaine. Justement, Tran Tonia a témoigné. Comment va-t-elle d'abord aujourd'hui et qu'est-ce qu'on retient finalement de son intervention de ce matin, puisque vous avez participé à cette conférence de presse, hein? Écoutez, elle est combative par rapport à ce procès, tout en étant malade, en sursis aussi. Hein, elle a une opération... pour un premier cancer en 2017, on est en train de suspecter un second. Voilà, c'est extrêmement douloureux d'entendre cette histoire de vie qui l'a touchée, mais qui a touché aussi, donc, comme elle l'a expliqué, ses enfants, probablement ses petits-enfants. Elle disait, très justement, vous vous rendez compte qu'en fait, ces maladies congénitales, puisqu'aujourd'hui on compte au moins 100 000 enfants qui sont atteints d'anomalies congénitales sérieuses, par le biais donc des naissances depuis plusieurs générations, elle disait en fait, soit on continue à procréer et en fait toute la lignée familiale de toute façon sera malade, soit on doit se contraindre à ne plus procréer. Et en cela, je comprends, je veux dire, son indignation par rapport à ce crime qui a été commis. Et ce qu'elle explique très bien, c'est qu'elle ne mène pas ce procès pour elle-même, elle mène ce procès pour que justice soit rendue aux millions de Vietnamiens et aussi de Cambodgiens, de Laotiens, qui ont été directement exposés aux herbicides et qui n'ont jamais obtenu justice. Justement, par rapport à ça, Valérie Cabanès, elle attaque donc les firmes chimiques qui ont fabriqué l'agent orange. Pourquoi l'État américain n'est pas attaqué aussi ? Alors, c'est vrai que depuis le début, les premiers procès donc qui ont été menés, c'est le premier à date de 1987 aux États-Unis par des vétérans, hein, c'est-à-dire par des anciens militaires américains qui ont combattu au Vietnam et qui ont été touchés eux-mêmes. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 2,6 millions de soldats américains qui ont été exposés à l'agent orange et qui ont eux-mêmes développé des pathologies, mais aussi des Australiens, des Néo-Zélandais, des Coréens qui ont participé à la guerre. Et donc, dans les années 70, ces vétérans ont ouvert une première class action, c'est-à-dire une action de groupe contre les producteurs de l'agent orange, considérant que, en fait, Monsanto avait même menti, en fait, auprès de l'armée américaine, en faisant croire qu'il n'y avait aucun risque avec ce produit sur la santé humaine, en mettant, en fait, en parallèle les herbicides traditionnels utilisés dans l'industrie civile, si je puis dire, et puis cet herbicide qui, en fait, est plus puissant par un facteur 13, c'est-à-dire puissance 13, avec les herbicides civils, et en cachant très concrètement donc les conséquences de cette dioxine qu'il connaissait, Monsanto le connaissait. Donc ça veut dire que l'État américain ne serait entre guillemets pas fautif. Il n'était pas au courant. Alors, qu'il n'est pas fautif. L'État américain. Non, l'État américain s'est jusqu'à présent engagé depuis des décennies à aider financièrement les associations vietnamiennes qui viennent en aide aux populations victimes. Mais tous les procès qui ont eu lieu, que ce soit celui qui a abouti donc en 87 à une première condamnation et à 180 millions de dollars pour un fonds de compensation visé les producteurs, les sept producteurs. Même chose en 99. Et pareil pour la Corée du Sud, la Cour suprême a aussi donc ordonner à Monsanto et Dow Chemical de verser des compensations financières, mais ce n'est jamais l'État qui a été condamné, parce qu'il y avait eu une explosion, et c'est ça qu'il faut comprendre, dans une usine qui était gérée par Monsanto, l'usine de Nitro, en 49. Il y avait 200 ouvriers qui ont été contaminés, et Monsanto a caché donc la toxicité de ce produit, et il a fallu attendre 1990 pour qu'elle soit officiellement disclosé, c'est reconnu et utilisé dans un procès. Micro ouvert. Et cette fois-ci, on se trouve, le micro ouvert se trouve au Parlement, mais je ne connaissais pas cette petite annexe. J'ai en face de moi Samuel Kogolati. Bonjour. C'est bien dit, Kogolati. Ouais. C'est ça, ouais. sacré nom. C'est d'origine italienne. Et donc j'ai rendez-vous avec vous ici, vous m'avez proposé le Parlement, mais je ne connaissais pas ce Parlement-ci, quoi. Je connais le grand là-bas, numéro 21, mais je ne sais plus quel numéro maintenant, le grand. Ouais, le numéro 3. Ouais, ici, donc, on est à la Maison des parlementaires. Donc c'est ici que sont situés les bureaux en fait, de tous les parlementaires, avec tous les conseillers politiques, les assistants, etc. Donc c'est vraiment ici qu'on travaille sur les résolutions, tous les textes qu'on dépose en fait, au Parlement. Okay. Et là-bas, c'est quoi alors exactement ? Parce que les bâtiments sont beaucoup plus gros. Alors le Palais de la Nation, hein, comme on l'appelle un peu pompeusement, eh bien, c'est là que se trouve à la fois le Sénat, mais aussi la Chambre des représentants. Et évidemment, on a construit cette sorte d'annexe comme ça dans les années, je sais pas moi, 60-70. Vous voyez que d'ailleurs, c'est un petit peu vieillot. Ça a pas mal vieilli, mais voilà, c'est ici que tous les groupes en fait politiques, peu importe le parti, se retrouvent. Là-bas. Ici. Moi, je vous vois, je tutoie facilement. Ouais, là-bas, tu veux dire quand tu dis, ils se réunissent tous. Alors, on se réunit effectivement en queue dans les salles de commission et puis dans la grande salle de plénière. Si tu veux, on pourra aller faire un tour et te montrer si on a le temps. Mais ici, c'est plutôt les bureaux. Et donc, c'est tous les bureaux des parlementaires, des conseillers, etc. Et quelques salles de réunion. Non, moi, en gros, ça ne m'intéresse pas tous ces endroits. C'est juste parce qu'il y a aussi le Parlement flamand, puis il y a le Parlement européen. C'est hallucinant, hein, tous ces espaces comme ça. Où, tu vois, enfin, c'est pas pour ça que je te rencontre. Hein. moi, j'ai vu un article passer, évidemment, je dis évidemment parce que sur le réseau social, quoi, qui parlait d'écocide. Et c'était toi le responsable un peu de cette idée que la Belgique, mais c'est annoncé comme ça sur l'article que tu as écrit, la Belgique est le premier pays européen à proposer la reconnaissance du crime d'écocide à la Cour pénale internationale. Alors j'aimerais qu'on décortique un peu. Dans un premier temps, je lis vite fait et je me dis « Ah, oh, génial ça... !» Mais qu'est-ce que ça va changer, en fait, hein? Et puis quand je lis mieux, je fais « Ah oui, non, c'est à proposer, c'est même pas encore dans une loi quelconque, quoi. C'est à proposer, j'ai déjà juste le terme, quoi. Ouais, » Tu as envie de faire une petite présentation de toi? Oui, bien sûr. Mais tu as raison. Donc, c'est vrai que... D'abord, il y a deux choses. Tu m'as décrit comme étant le responsable. Bon, c'est vrai que je suis le premier auteur de cette proposition de résolution au Parlement, mais les vrais responsables, c'est la société civile. Moi, finalement, je n'ai fait que traduire une idée qui existe depuis, en fait, les années 70. Donc, je veux dire, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas moi qui l'ai pondue tout seul comme un grand. Pas du tout. Moi, je n'ai fait que traduire, en fait, un projet qui vit, mais vraiment depuis longtemps, et pas seulement en Belgique, en fait, loin de là, mais particulièrement en France, dans d'autres pays, et surtout, comme par hasard, des pays qui font face à la montée des eaux suite au changement climatique. Et là, je pense en particulier aux îles Maldives ou, par exemple, au petit état insulaire du Vanuatu. Donc, vraiment, ça, c'est la première remarque. C'est dire que moi, je n'ai fait que traduire, en fait, dans un texte parlementaire, une idée qui vivait déjà depuis longtemps et qui est vraiment portée par toute une série de militants incroyables à travers le monde dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour une planète habitable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, avant de déposer, moi, ce texte, c'était en juillet dernier, donc ça fait que quelques mois que je porte ce projet ici au Parlement fédéral belge, il n'y avait pas eu une seule mention de la notion d'écocide à la Chambre des représentants. Donc, vous pouviez taper dans les archives sur Google, tiens, est-ce qu'on a déjà parlé d'écocide ici? Non, jamais. Donc, c'est tout nouveau, en tout cas au niveau politique parlementaire. Et c'est vrai que, vous le savez, dans les négociations gouvernementales pour avoir un nouveau gouvernement fédéral, la famille écologiste a, dans son ensemble, porté ce projet de reconnaissance du crime d'écocide. Et nous sommes arrivés à aboutir sur un accord de gouvernement qui s'engage à deux choses. Un, au niveau belge, au niveau donc national, de pouvoir reconnaître à la fois ce nouveau crime de féminicide, mais aussi d'écocide dans le code pénal. Et ça, c'est un fameux développement. Et puis, deuxième chose, au niveau alors international, il y a cet engagement que le gouvernement essaye de se battre sur la scène internationale pour faire reconnaître la notion d'écocide et dire que, oui, non seulement il peut y avoir des génocides, il peut y avoir des crimes contre l'humanité, mais ce qu'on est en train de vivre aussi, ce sont des crimes très graves portés à la planète, à nos écosystèmes, dont nous dépendons pour notre survie. Et donc ce message très fort, eh bien, c'est celui qui a été porté par la ministre des Affaires étrangères au nom du gouvernement belge, au nom du nouveau gouvernement fédéral Vivaldi, qui contient aussi des écologistes en son sein. Et ce message-là, il a été porté à la Cour pénale internationale. Parce que c'est vrai que ça, c'est notre volonté, c'est notre projet, c'est notre ambition, c'est de dire que la Cour pénale internationale devrait pouvoir être compétente aussi pour poursuivre les plus graves pollueurs, exactement comme des criminels de guerre. Ça, c'est l'ambition, ça, c'est le projet. Mais tu as raison que, attention, tout n'est pas fait. Le travail, le chantier, il ne fait que commencer. Donc la première pierre a été posée, mais vraiment, il reste un énorme travail de persuasion à faire parce que, bon, voilà, c'est la vérité de dire que la Belgique, certes, a une voix forte sur la scène internationale et peut être influente. Maintenant, la Belgique n'est pas seule non plus. Et il faudra pouvoir convaincre l'ensemble des autres États pour avancer dans cette direction. Mais je crois que c'est important de le faire. Après la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix se mettre autour de la même table, toute la communauté internationale, et dire « nous allons interdire les crimes de génocide » après la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas marché. Hein. Alors, c'est vrai que... tout à fait, mais tu as raison de le dire. Très franchement, même la Cour pénale internationale, en soi, elle existe maintenant. Mais on sait que les États-Unis n'en font pas partie, alors que les États-Unis peuvent aussi, évidemment, commettre des crimes de guerre, voire pire. Et donc, on voit qu'effectivement, le système est imparfait. Mais en même temps... Attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce serait trop facile de dire « Oh, bah parce que tous les crimes ne sont pas poursuivis, bah finalement, on va oublier le code pénal. » Non, évidemment que non. Et donc, il y a à la fois une valeur évidemment très pratique de dire « Il faut poursuivre les plus graves pollueurs. » Ça ne va pas que quand il y a une catastrophe comme l'Erika, avec des centaines de kilomètres de côte en France, y compris en Belgique, en Espagne, en Bretagne, qui sont gravement pollués, avec des centaines de milliers d'oiseaux qui meurent. Ça ne va pas qu'on dise « Oh, ben vous savez quoi, la société qui est responsable, qui est coupable, pourra s'en sortir avec 375 000 euros d'amende, ce qui est rien du tout par rapport aux bénéfices gigantesques qu'elle se fait chaque année. » Mais rien du tout, c'est ridicule. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est simplement de pouvoir adapter le droit pénal, mais aussi le droit international, à la lumière des évolutions de la planète. Et la planète, désolé, elle ne va pas bien. Et donc c'est simplement ça qu'on essaye, qu'on vise à reconnaître, à la fois dans le droit pénal au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau international. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, hein, vous avez raison de le dire, le système est vraiment loin d'être parfait, il doit être amélioré, et on se bat, évidemment... Oui, pardon. Mais ça, je l'ai dit hors micro, hein, sinon les gens ne vont pas comprendre. Oui, non, mais vous l'avez dit aussi, quelque part, en partie, en disant, c'est pas parce qu'on a reconnu le crime de génocide que tous les génocides, finalement, n'ont plus lieu, loin de là. Encore actuellement, enfin... Mais complètement. Moi, par exemple, je me bats ici pour vraiment qu'on puisse reconnaître les droits de la minorité ouïghour, cette minorité musulmane qui vit dans la province du Xinjiang. Et enfin, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer là-bas. Des prélèvements forcés d'organes, des actes de torture, l'internement de plus d'un million d'individus. Enfin, il faut se rendre compte, c'est quasi 10% de la Belgique qui serait du jour au lendemain enfermée dans des camps de concentration. C'est horrible. Des stérilisations forcées sur toutes les femmes pour pouvoir... Parce que c'est vraiment l'ethnie ouïghour qui est attaquée, en fait, par le pouvoir central en Chine. Et donc, effectivement, bon, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous reconnaissez, je veux dire, dans les textes de loi qu'il peut y avoir un crime de génocide que du jour au lendemain, les génocides n'ont plus lieu. Donc, vraiment, encore une fois, je reste très modeste par rapport à la proposition. Oui. Mais c'est comme parler des droits de l'homme, en fait. Il n'y a même pas besoin de trouver des crimes génocidaires. Juste les droits de l'homme, avec tous ces articles... Au quotidien, il y a plein de gens, il ne faut pas aller loin, dans des pays étrangers. Ici, en Belgique, il y a plein de, comment dire ça, d'injustices, quoi, déjà par rapport à ces droits de l'homme, de la femme. Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est important de pouvoir non seulement reconnaître ces droits, mais aussi de les réaliser. Et moi, ça, j'y tiens. Moi, mon boulot, c'est de... C'est-à-dire, j'essaye de comprendre. Oui, mais ça veut dire concrétiser la promesse de ces droits humains. Nous avons des droits sociaux, économiques, culturels, des libertés fondamentales qui sont reconnues dans la Constitution, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans des traités internationaux, par exemple, de l'Organisation internationale du travail. Eh bien, moi, ce que je demande comme parlementaire, en me basant sur ces textes qui sont ancrés dans la loi, qui sont reconnus tels quels par toute la communauté internationale, je dis « attention, ces droits existent, nous devons les mettre en pratique ». Et c'est comme ça que, avec d'autres personnes de la société civile, par exemple avec des gens dans les syndicats, avec des personnes qui travaillent chez Amnesty, avec Human Rights Watch, nous pouvons rappeler les gouvernements à l'ordre et leur dire « attention, ce que vous faites, vous ne pouvez pas, vous êtes en contradiction, vous êtes en violation » de traités et de normes internationales. Et donc, c'est pour ça que ces normes sont importantes et ont vraiment une valeur juridique contraignante sur la scène internationale. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas la panacée, mais vraiment, ça nous aide énormément dans notre travail pour plus de justice sociale. Mais j'entends bien tout ça. Et comment ne pas être d'accord avec ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire. Mais c'est parce que le temps passe... Et en fait, on se rend bien compte que... Allez, c'est comme si... Moi, ça me donnait cette impression. Écocide, c'est le nouveau mot à la mode pour avancer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est jamais, pour finir, dans le concret. On va inventer un nouveau terme, une nouvelle tendance, un nouveau mot. Et puis, pour finir, Voilà. Mais vous, vous avez fait, vous êtes spécialisé dans le droit, en fait. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Et le droit international aussi. Ben, je vous avoue que je suis un peu stressé là parce que dans 10 jours exactement, donc vendredi prochain, je défendrai ma thèse de doctorat en droit international. Et là, sur un sujet assez similaire en fait à celui de la reconnaissance de l'écocide, c'est la reconnaissance des communs. Et donc, vous savez qu'il y a la propriété privée individuelle, hein, on ne parle plus que de ça. Il y a aussi la propriété publique, hein, de l'État. Mais tous ces systèmes de propriété publique ou privée sont des systèmes top-down, avec un État ou un propriétaire terrien qui possède tout sur son petit territoire, sur son petit précaré. Or, il existe aussi ce qu'on appelle des communs. Et des communs, ce sont des expériences de mise en partage, en communauté, de manière autonome et donc bottom-up. Et moi, ma volonté, c'est de pouvoir... Bottom-up ? Oui, donc par le bas. Par le bas. C'est de l'anglais que tu fais ? C'est de l'anglais, oui. Et la thèse est en anglais, donc désolé pour... je sais que ça ne le fait pas trop, l'anglais, comme ça en français, mais bref. Donc l'idée, en tout cas l'ambition de ce travail et de cette thèse que je présente donc dans quelques jours, c'est de pouvoir reconnaître aussi un droit humain au commun, de dire... Les communautés qui, aujourd'hui, et ce sont souvent des communautés autochtones, des communautés paysannes qui dépendent de ces communs pour leur survie, je pense à des lacs, à des pêcheries, à des forêts, à des pâtures, ces communautés doivent être protégées aussi légalement. Et donc, vous voyez que c'est vraiment, je veux dire, ça, c'est important. C'est la continuité, évidemment, je veux dire, de ce travail, effectivement, que j'ai fait à l'université pendant 5 ans. Et puis maintenant que je suis au Parlement, ben, j'essaye aussi, évidemment, mais plus là dans la pratique maintenant, de faire reconnaître donc, ces droits, effectivement. J'aime bien quand tu parles des peuples, parce que souvent, on entend l'écocide. Il faut, ça veut dire exactement le terme écocide. Mais écocide, c'est tout simple, c'est tuer la maison. Et en fait, quand on s'attaque à la planète et à nos écosystèmes, de manière grave et durable, ben, on s'attaque à la planète où on vit et à notre maison commune. Et donc, aux gens, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le terme... Donc, c'est vrai que j'entends souvent... Bon, il y a plein de critiques, évidemment, du terme écocide. Plein. C'est une idée qui est plus facile à détruire qu'à construire. Vraiment, je le dis très sincèrement. Mais en règle générale, c'est plus facile de détruire que de construire, non ? En règle générale aussi. Ce n'est qu'une confirmation d'un phénomène qui est assez répandu. Mais une critique que je reçois souvent, c'est « Oui, mais attention, si vous reconnaissez l'écocide, vous allez en fait négliger tous les génocides. » Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est faux. Vraiment, pas du tout. Donc, d'abord, on ne touche pas, évidemment, la définition du génocide. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Et puis, on dit, quelque part... Il y a aussi un ordre de gravité extrême. Parce qu'en s'attaquant, et c'est là que je vous rejoins complètement, en s'attaquant à la maison commune, on s'attaque aussi au peuple, au peuple qui habite la planète. Et donc, quand vous détruisez tout un écosystème, par exemple, avec la destruction du barrage de Brumadinho au Brésil il y a quelques mois, où vous avez finalement toute une rivière qui, on se souvient des images, teintées de rouge, avec tous ces résidus de minerais, parce que c'était en fait un énorme barrage par une entreprise minière qui s'appelait Vale. Mais vous détruisez non seulement, évidemment, la rivière en elle-même, vous détruisez aussi toute la nature autour, la forêt amazonienne, mais en plus, vous détruisez les gens. Et d'ailleurs, il y a eu des morts, des centaines de morts. Et donc, c'est ça qui est important de dire, c'est qu'il y a une véritable interdépendance entre l'être humain et les écosystèmes dont il dépend. Et c'est cette interdépendance entre nous, ce que nous sommes, et la nature que j'aimerais faire reconnaître dans le droit. Et ça, c'est un véritable tournant. Parce que trop longtemps, on a pensé qu'on était en fait un peu seul sur Terre, qu'il n'y avait que l'homme, voire que l'individu, que l'être humain. On parlait du droit de l'homme au singulier. En fait, je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin. D'abord, parler de droits humains, c'est déjà beaucoup plus large. Et puis, c'est peut-être un peu moins sexiste aussi. Mais même parler de droits de la nature, et je crois que c'est important de faire ce pas. Il y a de plus en plus de pays latinos qui ont franchi ce pas dans leur constitution. Je pense à l'Équateur, par exemple. J'ai vu que l'Équateur, moi. Il n'y a pas d'autres pays. Oui, ça se fait petit pays. À petit. Alors, il y a aussi la Cour interaméricaine, donc de nouveau en Amérique latine, interaméricaine des droits de l'homme, qui a reconnu que la forêt amazonienne pouvait avoir certains droits. Et donc, c'est une évolution, mais qui est vous avez raison, hein, ultra récente, et qu'on ne retrouve pas partout, mais c'est une évolution qui a lieu maintenant, à l'heure où l'on parle. Et moi, je crois que c'est important de faire progresser, effectivement, notre droit international et le corpus de droits humains pour reconnaître, effectivement, plus de droits pour la nature que nous habitons. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans le terme écocide, c'est que ça prend en compte la nature, quoi, puisque l'être humain, c'est lui le roi. Elle n'existe pas, la nature. Hein, et donc, maintenant, on est plutôt dans une ère où on reprend, la nature reprend du poil de la bête, elle existe. Mais ce qu'il y a aussi, moi, j'ai envie de le souligner, c'est que les humains, les peuples, habitent aussi, évidemment, dans cette nature. Hein. Alors, peut-être moins ici, dans la ville, mais par exemple, parce qu'on prend souvent des exemples du Brésil, mais ici aussi, on est en Belgique, hein. On parlerait... Il y a plein d'endroits où c'est terrible, comme on démolit les paysages pour construire. Tu en penses quoi de ça? Parce que c'est vrai, on prend toujours des exemples de lointains comme ça pour imaginer les choses, mais ici aussi, comment ça se passe, par exemple? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu te renseignes aussi ici en Belgique par rapport à cette nature? Oui, complètement. C'est hyper important. Donc, au-delà de, je veux dire, des grands termes, et tu as raison que finalement, la reconnaissance du crime d'écocide ne viserait que les pollutions les plus graves, les plus durables de contre la planète. Il faut pouvoir aussi parler de respect de l'environnement, de lutte contre les dérèglements climatiques et qui nous impactent toutes et tous. Et parfois de manière aussi moins spectaculaire que de très très graves pollutions. Tu trouves que ce n'est pas spectaculaire ce qui se passe en Belgique ici dans... Non, il n'y a pas... Moi, je suis impressionnée des constructions moches. Enfin, tu vas me dire que c'est très subjectif, mais ou des magasins. Enfin, les gens sont largués. On va construire une grosse multinationale pour que les gens consomment. Mais ça abîme. Enfin, c'est terrible. Tu discutes avec les gens qui connaissent un peu la terre là-bas, en dehors des villes. Hein, c'est horrible au niveau des marécages, j'en sais rien, moi, de l'eau qui tombe. Ce sont des terres mortes, c'est ça que je veux dire, quoi, aussi. Et que non. Ça a une influence aussi sur la vie des gens. Alors, peut-être, est-ce que c'est moins visible parce qu'on en parle moins? Est-ce que, voilà. Je dirais que c'est peut-être pas moins spectaculaire, c'est plus insidieux, en fait. Parce que quelque part, même moi, en fait, je participe à ce modèle, quelque part. Et donc, on est toutes et tous responsables. Et dans quel sens tu dis ça? Je dis ça dans le sens que mon empreinte sur la planète aujourd'hui, si jamais tout le monde devait vivre exactement comme moi aujourd'hui, eh bien, il faudrait 2 à 3 planètes. Oui, mais ça, c'est des phrases toutes faites qu'on entend. Tu ne veux pas essayer d'utiliser un autre langage? Parce que, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Je crois que c'est très important quand même de parler d'impact. Vous savez, donc... Je suis d'accord de parler d'impact, mais ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, quoi, que... Je vais donner une image très simple. Vous avez une table, un buffet, vous invitez plein d'amis, et vous dites, voilà, c'est une grande fête, et vous allez tous amener un petit plat, et on va partager ça tous ensemble. Et vous devez vous imaginer cette grande fête avec plein de monde. Et imaginez-vous, en fait, un invité par pays. Et soudainement, le buffet n'a même pas encore commencé, que vous avez... quelques invités, pas la majorité, hein, mais quelques invités individuels qui, en fait, vont se rafler mais vraiment plus de la moitié de la table et vont se goinfrer et vont prendre du gâteau. Et vont ils ont faim. Mais c'est pas non, c'est parce que l'exemple... Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est pas seulement pour satisfaire leur faim, mais c'est pour faire bien plus. Et je suis certain que... Si je dis tu, hein, c'est plus simple. Si tu étais l'hôte en fait de cette grande fête, tu te dirais mais enfin ces gens sont complètement mal éduqués. Ça va pas. C'est pas du tout poli ce qu'ils font. Et pourtant c'est exactement c'est ça que j'ai voulu exprimer. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'humanité. Vous avez des pays aujourd'hui et en particulier les pays occidentaux, y compris où nous vivons, qui consomment beaucoup beaucoup plus que des gens qui vivent en Sierra Leone qui ne consomment pas 10% d'une planète. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment exprimer. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment important. Parce qu'il y a un problème vraiment d'inégalité, en fait, dans l'accès aussi aux ressources. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, et ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir révolutionner ce modèle et de pouvoir dire, enfin, redevenons un tant soit peu rationnel, un tant soit peu terrien, et essayons de vivre plutôt en harmonie avec cette nature. Et c'est ça qu'on a voulu faire. C'est pour ça que moi, je me suis engagé chez Écolo. Je suis dans la famille écologiste parce que depuis tout petit, moi, j'ai grandi à côté d'une centrale nucléaire à Tihange. J'habite toujours juste en face. Mais depuis tout petit, j'ai cette conscience que, enfin, ces déchets nucléaires, ces déchets radioactifs que nous sommes en train de produire pour l'électricité de même pas une génération, hein, parce que ces centrales, elles datent de quoi ? Des années 60-70 ? C'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, les déchets nucléaires qu'on est en train de produire vont avoir un impact sur plusieurs centaines de milliers de générations. Eh bien, moi, cette idée-là, elle m'insupporte. Elle m'insupporte. Je trouve que ce n'est pas juste vis-à-vis des générations futures. Et moi, évidemment, avec les autres amis et collègues de la famille écologiste, j'ai envie de me battre pour un monde qui soit meilleur, mais pas seulement pour les gens d'ici et de maintenant, mais aussi pour les gens de demain et donc les générations futures. Et c'est pour ça que, très concrètement, bah ici au gouvernement, on a dit, voilà, nous allons vers une société zéro CO2, zéro carbone. Alors c'est vrai, pas demain, hein, pas direct, 2050. D'ici 2030, moins 55%. Mais ce sont des changements qui sont radicaux. Mais Samuel, quand tu parles, essaye pour des gens qui ne sont pas écologistes. Ouais. Tu vois, quand tu parles c'est moins de CO2, moins de carbone, tu as dit ? Ouais. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, c'est moins de dioxyde de carbone. Ce sont moins de gaz à effet de serre. Et quoi, ça veut dire moins de voitures ? Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi dans le concret de la vie de tous les jours ? Parce que tu vois, ça, c'est des concepts, quoi. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, effectivement, d'abord, de produire de manière beaucoup plus verte et responsable. Et donc, sans carbone, ça veut dire sortir de cette dépendance, en fait, aux énergies fossiles. C'est pas possible, ça. C'est bon. Et pour... Alors, non seulement c'est possible et les solutions existent, mais en plus, ces solutions, elles peuvent créer vraiment beaucoup d'emplois et en plus, respecter la planète où l'on vit. Et c'est pour ça que maintenant, nous voulons investir vraiment des millions d'euros, des milliards dans les énergies qui seront propres dans le futur. Comme quoi, par exemple, l'énergie propre à laquelle tu penses ? Ben, je pense, par exemple, à une éolienne qui peut produire de l'énergie avec le vent, qui peut aussi être recyclée à plus de 99%, et dont les palmes, parce que c'est ça qui reste, peuvent aussi être réutilisées, par exemple, pour faire des bancs publics. C'est ce qu'ils font au Danemark et aux Pays-Bas. Moi, je crois que ce modèle-là... Alors, il ne faut pas me prendre pour un fou, mais je crois que ce modèle-là, en plus, il est déjà implémenté en partie, justement, dans les pays nordiques, en Allemagne, on le voit en Espagne, ce modèle-là, il est bien plus soutenable, il est bien plus responsable que le modèle de « Ah, vous savez quoi ? On va produire des déchets nucléaires pour 300 000 ans. » Et donc, moi, franchement, entre une société qui produit sans cesse pour des besoins qui sont sans cesse décuplés, hein, eh ben je choisis plutôt pour une société qui reste sobre, qui a conscience des limites planétaires, qui produit de manière aussi beaucoup plus responsable. T'as envie de... C'était une question que j'ai écrite. Hein. Il n'y en a pas toujours 36 000 des questions que j'ai écrites, mais c'est... tu te vois comment transformé à tes yeux et avec ta politique. Avec ta politique, on parle comme ça. Oui, avec ta politique, puisque c'était payé. T'es payé un gros paquet quand même, d'ailleurs, par rapport à la masse de gens. Pour changer le monde. Toi, tu es un professionnel de... Ben oui, tu es un professionnel de changement du monde, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu dois quelque part aussi... J'allais dire vendre ta salade. Mais comment est-ce que tu... Voilà, si tu pouvais nous expliquer comment est-ce que tu vois le monde sans commencer, comment dire... Il n'y a rien qui t'arrête. Tu peux, voilà, proposer un nouveau monde. Donc, toi... Tu proposes, quand je dis toi, c'est tu, vous, hein, je sais que tu n'es pas tout seul, mais donc il suffirait de mettre des éoliennes à la place du nucléaire et de faire une société sobre. C'est un peu bref, quoi. Non, parce qu'on fonctionne depuis des dizaines d'années en consommant, en fait, sans arrêt et sans aucune limite. On a entendu justement des politiques qui vendaient leurs salades, pour reprendre tes termes, pendant des années, en parlant de croissance, croissance, croissance à l'infini. Et on se rend compte aujourd'hui, ce ne sont pas des hurluberlus, mais des économistes très sérieux qui disent « Oh là, attention, il y a quand même des limites. » Et je crois que c'est important que ces limites planétaires, on en prenne conscience. Donc, je ne pense pas que c'est de la folie. Tu ne penses pas que c'est de la folie de quoi exactement? Parce que là, je me perds. Je ne pense pas que c'est de la folie de reconnaître les limites planétaires et donc de changer effectivement de système et d'aller vers un système qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement et des gens. Et donc, tu me demandes comment moi, je rêve le monde de demain. Moi, je trouve que ce qu'on a vraiment appris, s'il y a une chose à apprendre de cette crise, c'est que bah, d'abord, le virus, il nous touchait toutes et tous, peu importe d'où on vienne. Et le virus s'en foutait complètement des frontières entre États. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui vivaient déjà plus difficilement, qui étaient déjà plus faibles, plus marginalisées dans la société, en fait, elles ont payé le prix double des personnes qui étaient déjà protégées. Et ça, je crois que c'est important qu'on en prenne conscience et qu'on tire les leçons de cette crise sanitaire qui, en fait, n'est pas juste un virus, c'est pas juste un drame sanitaire. Le drame, il n'est pas juste dans les hôpitaux, le drame, il est aussi social et économique. Moi, j'ai une tante qui est comédienne. Elle peut pas jouer, là, pour le moment. Il n'y a aucun revenu. Normal, elle n'est pas essentielle, hein. Mais moi, je trouve que si. Elle n'est pas essentielle à ce système, elle ne produit rien. Justement, et donc, moi, je trouve que si, l'art est essentiel. La culture a une place essentielle. C'est ce qui nous différencie, je veux dire, d'une autre civilisation, ou je ne sais pas, mais d'autres espèces animales, c'est que la culture est vraiment nous permet aussi de nous identifier. Et moi, je la considère au contraire comme vraiment le capital le plus précieux que nous ayons. Et donc, je te parlais de ma comédienne, tout ça, de ma tante, pardon, qui est comédienne. Tout ça pour te dire que... Je crois qu'il faut vraiment tirer les leçons de ce que nous avons vécu ces derniers mois, cette dernière année. Et malheureusement, la crise, on le voit, elle n'est pas encore tout à fait finie. Et je pense que ça, c'est vraiment mon vœu le plus cher, c'est qu'on ne développe pas seulement un vaccin contre le virus, mais aussi un vaccin contre la haine, contre le populisme, contre l'arbitrarisme, contre le totalitarisme qu'on a vu encore s'exprimer au Capitole, là, avec les fous pro-Trump, il y a quelques jours. Moi, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse vraiment se dire, punaise, en fait, on peut réussir vraiment à vivre de manière heureuse et bienveillante dans ce monde si on se dit que le meilleur vaccin contre la crise que nous sommes en train de vivre, et encore une fois, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, mais qui est aussi une crise sociale, qui est une crise écologique, et qui n'a pas commencé seulement il y a quelques mois, mais qui a commencé il y a des dizaines d'années, le meilleur vaccin contre cette crise, c'est la solidarité. C'est vraiment en se serrant les coudes, pas seulement ici au Parlement, mais je veux dire toute la société, et encore une fois, quelle que soit votre couleur, d'où que vous veniez, peu importe votre nationalité, vos origines, tu as commencé en disant Cogolati, c'est un drôle de nom, ben oui, moi je suis fier de mes origines italiennes, et c'est parce que j'ai des grands-parents qui sont venus chercher une vie meilleure ici en Belgique, à un moment donné, après la Seconde Guerre mondiale, que je me rends compte aussi que la vie, elle n'est pas simple pour tout le monde. Et qu'à un moment donné, on peut aussi devoir quitter son pays pour aller trouver une vie meilleure ailleurs. Et donc, encore une fois, ça peut sembler bateau, mais moi, je trouve que ce qui vraiment mon vœu le plus cher pour demain, c'est que nous développions beaucoup plus ce super vaccin contre la crise économique que nous vivons, qui est pour moi la solidarité, quoi. Se serrer les coudes entre les gens, sentir qu'ensemble, on peut y arriver. Et on est loin de là. Et Cogolati, ça veut dire quoi en fond? Je ne sais pas. Non. Quand je dis que c'est un drôle de mot, de nom, c'est que ça fait. Moi, ça me fait penser un peu à Colgate. Pour toi, pour avoir un repère. Ah oui, Col. Ouais, non, il y a des gens qui m'appellent aussi Congolati, d'autres Chocolati. Honnêtement, même en italien, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, même la famille qui vient d'Italie, je crois, était elle-même en fait immigrée d'un autre pays. Comme quoi, vous voyez, l'immigration, c'est un truc un peu à l'infini qui venait plutôt de Slovénie. Enfin, c'est ce que je me souviens, mon nono m'avait expliqué. Donc, vous voyez, c'est difficile de vraiment identifier la réelle signification. Je ne sais pas trop, mais j'aime bien ce nom. Je regarde mes petites notes, écocide en Équateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ouais, c'est drôle comme question. Écocide, qu'est-ce que ça change? Ça change deux choses. Aujourd'hui, donc, vous avez le code pénal, et le code pénal il définit tout un tas de crimes. Vous avez des centaines de petits d'articles. Le code pénal il vous protège contre le vol, il vous protège, en théorie évidemment, hein, je veux dire dans les textes de loi, il vous protège contre le vol, il vous protège contre une agression dans la rue. Ça veut dire que si jamais quelqu'un vous agresse maintenant, quelqu'un vous vole votre sac, eh bien évidemment la police pourra dire « Eh là, vous avez enfreint telle règle ». En théorie, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Mais ces règles, elles sont importantes. Et ces règles, ce sont vraiment les normes les plus élémentaires que la société met en place pour dire si vous franchissez cette ligne rouge, vous serez puni et on vous privera de vos libertés. Donc c'est fort. Un code pénal, c'est fort. Mais aujourd'hui, s'il vous protège contre le vol ou la corruption ou des agressions, il ne vous protège pas contre la destruction de la planète et contre les plus graves atteintes à l'environnement. Ça, c'est le premier changement. Un exemple, ce serait bien. J'imagine une grosse multinationale ou une grosse industrie qui fait une chimie dégueulasse et qui évacue ses eaux dans la rivière. Exactement. Par exemple, il y aurait quoi d'autre comme image, comme exemple qu'on peut donner? Mais il y en a plein. Je vous ai parlé de la marée noire de l'Erika. Un bateau sur lequel... un énorme tank où en fait on transportait du pétrole. Et évidemment, pour l'entreprise, bah, c'était moins coûteux de ne pas trop regarder en fait aux mesures de sécurité sur ce bateau, un double coque, etc. Non, pas besoin, on peut le laisser comme ça. Et ce bateau, bah, un jour, voilà, boum, naufrage, et énorme marée noire qui en résulte, avec, je vous ai dit, des centaines de milliers d'oiseaux morts. Un autre exemple d'écocide monstrueux, avec des conséquences, mais irréversibles, hein, sur l'environnement. Donc, on ne peut pas remettre en état. La ZAD d'Arlon, par exemple, ici en Belgique. La ZAD d'Arlon, ouais, j'ai pas mal d'amis qui... moi, j'y suis jamais allé. Comment ça se fait que tu n'y es jamais allé? Toi qui défends l'environnement, par exemple, alors qu'il y a quelque chose qui se passe en Belgique, hein, qui est un petit pays, la Belgique. Ouais, bah ouais, je dois y aller, parce qu'en plus, je travaille avec... mon meilleur ami, Pierre Paulus, et Pierre a déjà été sur place plusieurs fois. Félicien Bogart, c'est aussi un ami qui, lui aussi. Et donc, c'est vrai que, ouais, ça... Et en plus, les gens sur place se battent aussi pour une planète qui soit vivable. Donc, complètement, c'est sur ma to-do list pour 2021. Voilà, une bonne résolution. Ouais. En tout cas, ils se battent. Moi, je ne suis encore jamais allée, mais j'ai entendu parler pour la faune, pour la flore. Il y a des gens qui écrivent. Il paraît que là-bas, il y a une nature pas possible, vraiment. Bon, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas biologiste, hein, mais au niveau des petits animaux, des insectes, voilà, ce serait intéressant de se pencher aussi sur ce qui se passe. Oui, complètement. Moi, récemment, là, quoi, je suis allée, par contre, visiter une autre ZAD. À Bure. Et Bure, c'est un petit village en France. Un petit village, vraiment, mais de rien du tout. Hein. Je crois qu'il y a 200 habitants, pas plus. On les a virés à la longue, hein, tous les gens de là-bas. Hein. Ben, on est en train de les virer petit à petit. Et j'ai rencontré sur place un monsieur super touchant, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il est agriculteur. Et il nous disait qu'on est en train vraiment de virer, effectivement, tous les paysans, parce qu'ils se définissent comme un paysan, c'est beau. On est en train de virer tous les paysans avec cet énorme projet d'enfouissement de centaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs. Tu vois, la boucle est bouclée, puisque je te parlais de mon héritage en ayant grandi en face de la centrale nucléaire de Tihange. Mais, cette visite de terrain, il y a quelques semaines. Franchement, m'a fort touché. Et là, sur place, justement, il y avait une ZAD avec pas mal de types qui, eux, par contre, venaient de tous les coins de la France pour justement se battre pour cet avenir désirable et habitable, et qui disait, mais, et je partage cette opinion, est-ce qu'on se rend bien compte de ce qu'on est en train de livrer comme héritage empoisonné à nos générations futures, quoi? Et cette question-là, franchement, je crois qu'elle doit, toutes et tous vraiment nous éveiller. Ouais. Je me sers d'un verre. Ouais. Mais est-ce que tu crois, Samuel, que moi qui viens de voir comme ça, avec mes questions un peu naïves, parce que toi, tu joues dans un autre jeu, évidemment. Tu joues dans des rapports de force, de pouvoir, avec des requins. Je reprends. Tu dois me trouver un peu naïf comme ça, parce que toi, tu joues évidemment dans un... de changer le monde, de oui, c'est possible, de, tu vois, parce que de plus en plus, les gens se réveillent et sont d'accord, même si ce n'est pas forcément profond, dans le sens que c'est la tendance, hein, maintenant, la nature, il faut, attention, on ne peut plus y toucher, tu vois. Mais tant mieux. Après, on espère que ce soit plus profond que ça, parce que dès qu'il y aura une nouvelle couleur, alors hop, on oubliera la nature et on parlera d'autre chose. C'est ça que je voulais dire. Mais toi, tu joues évidemment dans un autre rapport, quoi, un rapport de force, un rapport entre l'économique, la grosse industrie qui veut continuer à faire consommer. Enfin, voilà. Est-ce que tu combats, voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que tu combats au jour le jour et que tu n'es pas un peu dans des sphères un peu cotonneuses, comme ça, un peu dans le coton, pour défendre simplement en fait des concepts et des idées? C'est un peu trash, hein. Non, mais c'est tout à fait juste. Enfin, je veux dire, faut pas être naïf, quoi. Pas de naïveté, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas un bisounours, hein. Donc, c'est pas parce que j'aime la planète Terre que je suis un bébé qui voit la vie en rose, hein. Non, attention, la vie n'est pas rose, hein. Je veux dire, l'étage juste en dessous, là. Non, pas le premier, mais le zéro, c'est le Vlaams Belang. Hein. Le Vlaams Belang, c'est l'extrême droite fascisante, avec des idées racistes, avec des idées sexistes, contre tous les progrès pour les droits humains. Et c'est juste, je veux dire, deux étages en dessous, quoi. Donc, je veux dire, je dis ça pourquoi ? Parce que ma raison d'être ici au Parlement, ma raison d'être ici, en fait, dans cette bête salle, qui pourrait vraiment être la salle d'un autre parti, qui pourrait être la salle d'un parti extrême, qui pourrait être la salle d'un parti fasciste, d'un parti nationaliste contre les femmes, contre les étrangers, contre les migrants, contre les droits des personnes handicapées. Honnêtement, je crois que c'est important et ça doit nous mobiliser. Pourquoi je dis ça ? Parce que ma raison d'être, encore une fois, ici, c'est justement pour faire avancer un programme politique qui est beaucoup plus solidaire, qui respecte la planète, qui croit en l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, ça me paraît d'une évidence, non ? Ce que tu dis là. Pourtant, c'est pas tellement évident. Donc, nous, on a la chance, effectivement, d'être 21 députés, Écolo Groen, du Nord et du Sud. On s'est mis ensemble dans un groupe commun parce qu'on s'est dit, on est plus fort si on travaille ensemble, néerlandophones et francophones. Je trouve ça génial. Mais après, ce n'est que 21 députés sur 150. Donc, pourquoi je te réponds comme ça ? Parce que, encore une fois, 21 sur 150, on est loin d'être une majorité, quoi. Et donc, quand tu me dis. Est-ce que tu as conscience qu'il y a d'autres forces qui... est-ce que tu n'es pas un peu... Est-ce que tu dois te battre contre des forces conservatrices, etc. Mais complètement, tous les jours. C'est la raison même pour laquelle on a formé ce gouvernement. C'est parce qu'on ne voulait pas, à un moment donné, d'avoir des nationalistes comme ceux de la NVA, de nouveau, dans un nouveau gouvernement, qui allait mener des politiques antisociales. Et donc, en fait, je veux dire... Non seulement on reconnaît qu'effectivement, enfin moi je reconnais mille fois que oui, le monde n'est pas tout à fait rose et il faut pouvoir lutter contre des forces conservatrices, mais en plus c'est ce qu'on fait genre quasi tous les jours. Hein, quand je propose cette idée d'écocide, c'est clair que honnêtement, je vais pas tourner autour du pot, ça ne plaît pas à tout le monde. Et tu as dit au début de ta question ce qui s'est passé en France. Effectivement, en France, ça a été tourné en tourloupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont promis aux citoyens et à la Convention citoyenne pour le climat, oui, on va reprendre cette super idée, on va reconnaître l'écocide, etc. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les citoyens, ils avaient demandé la reconnaissance du crime d'écocide. Et puis, c'est devenu un petit délit d'écocide. Ouais, mais... C'est ça la différence, alors ? Ah ouais, mais attention, il y a une fameuse différence en droit entre un crime et un délit, hein. Un crime, c'est bien plus grave qu'un petit délit. Un délit, c'est une infraction. Et ce que les gens demandaient, c'est pas simplement une petite infraction en plus, je veux dire, comme une petite amende pour le fait que vous brûliez un feu rouge. Non, les gens disaient les plus graves pollutions, mais vraiment les plus graves qui dépassent un certain seuil de gravité, doivent être punies et doivent être poursuivies comme s'il s'agissait de crimes de guerre. C'est énorme hein, comme truc. C'est un fameux changement de mentalité, une révolution en tout cas juridique. Finalement, on a complètement dénué la notion de tout sens. Ça veut dire que c'est tombé dans l'eau alors? Plus ou moins, oui. Moi, je crois que franchement, à un moment donné, et là, ça devient vraiment effectivement. Là, vous jouez seulement sur les mots et sur cette mode et cette fashion de ah oui, un nouveau terme, super. On va appeler ça écocide parce que ça sonne un peu. Non, je veux dire, à un moment donné, derrière des mots, il faut qu'il y ait des actes aussi. Et ces actes, désolé, mais vraiment, on les appelle de nos voeux maintenant. Je veux dire, on doit passer à l'acte. Ça fait des années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, nous disent, enfin, on est en train de dépasser toutes les limites planétaires. Vous avez des citoyens qui marchent dans la rue pour le climat, qui marchaient dans la rue pour le climat tous les vendredis, et en particulier beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça a été stoppé avec cette foutue pandémie. Mais à un moment donné, ici au Parlement, moi, je ne peux pas rester sourd, je ne peux pas rester aveugle. Et donc, je dis, il faut reconnaître cette urgence climatique. Et pour moi, la reconnaissance d'écocide, encore une fois, n'est pas la panacée. Je ne dis pas qu'avec ça, le monde va se porter mieux comme ça du jour au lendemain, pas du tout. Mais je dis simplement que ça en fait partie, ouais. Et il reste, 5 minutes. J'ai vu aussi, à moins que tu ne veux pas en parler, tu es libre, hein, l'assistance consulaire belge. Ouais. Qui est à nouveau accessible, ouais, aux binationaux dans leur second pays. Oui. Moi, j'ai suivi un petit peu la chose avec le Covid, là. Ouais. C'était hallucinant ce qui s'est passé pendant le confinement, en fait. Ouais. Tu peux un peu résumer la chose, parce qu'on n'a pas plein de temps à développer. Écoute, c'est clair que ça, c'est un problème. Au début, quand on m'a alerté, parce que c'est plusieurs personnes que je connaissais qui m'ont alerté par téléphone très rapidement, qui m'ont dit « Mon oncle, ma tante, mes grands-parents sont belgo-marocains, sont bloqués pour le moment au Maroc et ne peuvent pas être rapatriés. » Ce n'était pas que les belgo-marocains, c'était aussi des belgo-burundais bloqués au Burundi. Bref, toutes des personnes qui sont binationales et donc qui ont une autre nationalité que la nationalité belge et qui, pour cette raison-là, semblait être exclu d'emblée dans la loi de toute assistance consulaire. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement ? Concrètement, ça voulait dire que la loi, en fait, semblait complètement discriminer en fonction de votre seconde nationalité, quoi. Et donc, si vous étiez belge, pas de souci, mais si vous étiez binational, oups, là, plus rien. Et donc, moi, quand on m'a expliqué la chose, parce que c'était vraiment une question, encore une fois, de loi, j'avoue que je n'y ai pas cru. Mais il faut être honnête. J'avoue que je n'ai pas cru immédiatement. Je me disais, c'est pas possible. Je vois pas. Enfin, normalement, tout le monde est un peu égal. Et surtout, je veux dire, entre Belges, il n'y a jamais qu'une autre nationalité. Moi, j'ai toujours vu ça comme un plus, quoi. Moi, j'ai une autre nationalité, la nationalité italienne. Et j'en suis fier. Je vois ça comme un héritage de mes grands-parents. Et je suis content. Mais c'est un truc en plus. C'est cool. Et ici, pas du tout. On avait l'impression que la seconde nationalité fonctionnait en fait comme un frein, comme un obstacle, et que les binationaux en fait étaient une sous-classe de citoyens belges, voire une en fait pas une binationalité mais une demi-nationalité belge, quoi. Ce qui était franchement ce qui créait un sentiment mais de blessure grave par rapport au sentiment d'appartenance et de citoyenneté belge. Et toutes ces personnes-là, et il y en a beaucoup hein, de personnes qui en Belgique ont une seconde nationalité, franchement se sentaient quelque part un peu relégué comme citoyen de seconde zone, quoi. Et c'est ce sentiment d'injustice qu'on a voulu corriger dans la loi en reconnaissant explicitement que non seulement les binationaux, mais aussi les apatrides, donc les personnes qui sont reconnues comme n'ayant pas de pays, et les réfugiés, donc les réfugiés politiques qui sont persécutés dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'origine, pardon, que toutes ces personnes-là peuvent demander, sont considérées finalement aussi comme des Belges, et peuvent prétendre à l'assistance consulaire. Alors ça semble technique comme ça, mais franchement, ça a été vécu comme un soulagement gigantesque et comme une petite victoire aussi symbolique pour l'égalité entre les Belges. Et j'en suis très fier parce que c'est la toute première proposition de loi que je fais passer. Ça, c'est pour la petite histoire, mais comme quoi c'est... comme parlementaire, c'est très important. Et ça montre que, alors certes, c'est des petits pas, hein, c'est des petits pas. Ça, c'est pas un petit pas, c'est énorme, ça. Ouais, Parce que à la différence de l'écocide, alors je le répète, hein, c'est le premier pays européen à proposer, la Belgique, hein, le premier pays européen à proposer la reconnaissance du crime d'écocide, hein, à la Cour pénale internationale. C'est encore loin d'en être une loi, quoi. Hein. Par contre, si je comprends bien, l'assistance consulaire belge est à nouveau accessible aux binationaux dans le second pays, soyons précis. C'est toujours accessible pour les réfugiés, les apatrides. Là, c'est passé dans la loi. Tu es d'accord que ce n'est pas la même chose, hein, pas le même enjeu, et que ça a une influence, évidemment, directement sur la vie des gens, quoi. Ouais, mais bon, la même chose pour cette fameuse proposition de loi. Je l'ai déposée il y a plusieurs mois, ça a pris du temps. Il y a des auditions qui ont été organisées. Alors, il y a pas de foule, hein, pour ces auditions. C'est très technique, ça dure très longtemps, c'est long, ça peut paraître ennuyeux. Mais c'est parce qu'il y a eu des auditions, c'est parce qu'il y avait une avocate super engagée qui s'appelait Dounia Alamat. C'est parce qu'il y avait la Ligue des droits humains qui ont porté une parole très forte et que les députés dans la salle, mais tout parti confondu, les ont écoutés et se sont dit effectivement, il y a un problème, il y a un truc qui cloche avec cette loi telle qu'elle est écrite maintenant. C'est parce que vraiment, il y a eu ce moment de travail que la loi a pu changer, quoi. Et donc, moi, je dis toujours, les montagnes, pour pouvoir les déplacer, pour pouvoir déplacer des montagnes, vous devez commencer par les petites pierres. Et ça, c'est important. Donc, je veux dire la même chose ici avec la reconnaissance d'écocide. Encore une fois, moi, je le dis, mais de façon très humble, je ne suis pas celui qui a inventé le concept, pas du tout. Par contre, j'ai simplement essayé de traduire cette notion dans une proposition plus parlementaire. Et je crois que cette initiative, on voit déjà qu'elle porte petit à petit ses fruits. Alors le travail, il est loin d'être fini, il ne fait que commencer. Mais encore une fois, je crois que la dynamique positive, elle est lancée. Et que quand vous avez des pays comme la Belgique qui portent cette voix à la Cour pénale internationale, c'est du sérieux. Ça devient audible. Et vous avez d'autres pays aujourd'hui qui se disent « Ah tiens, bah, peut-être que si la Belgique y pense, bah, nous aussi on pourrait y penser. » Et vous avez des personnes, du coup, des académiques qui s'activent. Hier encore, j'avais une réunion toute la matinée avec des avocats, pour le coup en Belgique, qui essayaient de voir comment on pouvait traduire ça en droit belge. Et ça, moi, j'en suis très, très fier, hein, parce que ça montre que, du coup, cette idée, c'est pas seulement une belle idée qui vit dans la société civile, mais qu'on peut aussi la traduire en actes concrets et en loi. Mais écoute, c'est super. Mais moi, je prenais pas l'exemple de l'assistante consulaire avec l'écocide pour montrer. C'est pour comprendre. Hein, ma démarche, c'était vraiment de comprendre que c'est pas la même chose, quoi. Que la loi, la loi est passée, hein, et donc ça a une influence concrète sur leur vie. Et j'imagine que c'est parce que il y a eu plein de problèmes durant le premier confinement avec des gens bloqués. C'était hallucinant. Des enfants qui restaient d'un côté d'un pays sans la maman et même des petits-enfants en bas âge. Des histoires dramatiques. Moi, je me souviens, donc, du coup, ils interpellaient. Enfin, j'ai eu plein d'interpellations à ce moment-là. Je me souviens, je raconte juste ça et puis j'arrête de parler. Mais un monsieur bloqué, effectivement, au Maroc, belgo-marocain. Le monsieur de la troisième génération, il a toujours travaillé, vécu en Belgique. Il parle parfaitement français, comme toi et moi. Il a toujours payé ses impôts en Belgique. De toute façon, sa seconde nationalité, il ne peut même pas y renoncer. Donc ça, légalement, il ne peut même pas le faire au Maroc. Il doit rester marocain, qu'il le veuille ou non. Et vous imaginez, la loi semblait l'exclure, quoi. Et ce monsieur, bon, d'abord, il était séparé de sa femme, de ses enfants. Bon, rien que ça, psychologiquement, c'est difficile. Parce qu'il ne savait pas quand il allait pouvoir rentrer. Ça faisait plusieurs mois qu'il était bloqué. Un. Deux, il devait suivre un traitement médical qui était seulement possible de suivre ici en Belgique. Ça aussi, on ne se rend pas compte. On s'imagine que les pharmacies à la Belge, on les trouve partout sur la planète. Ben non, on est quand même assez nantis en Belgique, surtout en termes d'accès aux soins de santé. Et puis trois, le monsieur, il avait un magasin en plein cœur de Bruxelles. Je ne sais pas où tu habites, mais lui, à Bruxelles, il avait un magasin qui ne pouvait du coup pas ouvrir et qui était fermé. Et sa femme, c'était avec elle que j'étais en contact, qui m'avait déjà interpellé, au bout de quelques semaines, m'a dit « Vous n'imaginez pas, mais en plus de toutes les merdes qu'on vit, notre magasin vient d'être vandalisé. » Donc tout ça pour vous dire, Monsieur le député, parce qu'elle m'appelait voilà comme ça très très poliment et officiellement, ce que je n'aime pas. Mais bref, il faut faire quelque chose. Il faut que évidemment mon mari puisse être rapatrié, mais il faut aussi changer la loi pour que toutes les personnes qui aient la citoyenneté belge, peu importe si elles ont une autre nationalité sur le côté, peu importe si elles sont réfugiées, peu importe si elles sont finalement apatrides, puissent avoir les mêmes droits. Et ça, c'est important. Et tiens, parce que je suis curieuse là, du coup, mais comment cette femme était en lien avec toi, le député écolo, rien à faire, comment ? Ben, j'avoue que c'est les réseaux sociaux hein, qui font beaucoup. Et la plupart du temps, les gens, bon, on nous interpelle aussi par email. Moi, mon numéro de téléphone, il est aussi public, hein, mon numéro de parce que je me dis, enfin, c'est ça que je sers. Hein, je veux dire, tu l'as dit au début, je suis payé par des deniers publics, quoi. Et donc, je crois que c'est vraiment important que je reste super accessible. Et donc, tout le monde peut me contacter sur Facebook, peu importe. Et là, en l'occurrence, c'est via Facebook, ouais. Ok, merci à toi d'avoir pris ce temps. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Je te laisse 3 secondes. Qu'est-ce que tu auras envie de finir ? Tu auras envie de finir sur quoi ? J'ai envie de dire merci d'abord pour cette opportunité. C'est super de pouvoir parler aussi longtemps finalement de son boulot et de ce qu'on aime et de sa passion. Donc ça, c'est génial. Et en même temps, j'ai beaucoup parlé de moi et de la loi et du Parlement. Et j'ai envie de dire que pour la planète et pour l'humanité, on peut s'engager de 1000 façons, quoi. Et que les petites pierres qu'on peut poser ici au Parlement, ça ne fait partie que vraiment, c'est qu'une toute petite partie du travail qui peut être fait. Et donc, c'est surtout ce message-là que j'ai envie de lancer, ouais. Mais tu sais qu'il y a des gens qui croient de moins en moins à tout ça, à tout ce système-là, hein, que ça peut s'écrouler c'est aussi. C'est pour ça que je le dis. Ouais. Toi, tu y crois à ça, à cette manière Bah oui, parce que comme je te l'ai dit, c'était une image, mais si c'est pas nous, la place qu'on laisse, c'est à des gens comme du Vlaams Belang. Hein, et je veux dire, c'est pas juste imagé comme ça. Je veux dire, cette marée noire, elle est bien réelle. Hein. C'est vrai. On l'a déjà dit, celle-là, ça laisse réfléchir. Merci à toi, hein, Samuel. Merci beaucoup.